Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la catastrophe de Vaison-la-Romaine. Le 22 septembre 1992, des pluies diluviennes s'abattent sur le sud-est de la France. En l'espace de quelques heures, les précipitations battent des records. Et très vite, certains habitants des départements de l'Hérault, du Gard, de la Lozère, de la Drôme et de l'Ardèche se retrouvent les pieds dans l'eau. Non loin de là, dans le Vaucluse, la situation empire d'heure en heure. Les rivières et les torrents débordent, les maisons se retrouvent à leur tour inondées, et bientôt, une vague monstrueuse, haute de plusieurs mètres, dévaste tout sur son passage. Le lendemain, à la télé, les images de ce spectacle dantesque font l'ouverture des journaux télévisés. Avec elles, le nom d'une petite ville de Provence, Vaison-la-Romaine, revient en boucle, car c'est là que le bilan humain est le plus dramatique. On dénombre plusieurs dizaines de morts et autant de disparus. Vaison ravagée, Vaison isolée, mais Vaison sauvée. C'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Notre invité après le récit, le journaliste Olivier Martoc. Il était l'un des envoyés spéciaux de France Inter à Vaison-la-Romaine pour couvrir cette catastrophe. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo qui s'est rendu à la Faute-sur-Mer, commune de Vendée, victime de la tempête Cynthia le 28 février 2010. Elle avait fait 29 morts et là aussi s'est posé la question des constructions sur des zones inondables. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacobovienne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mardi 22 septembre 1992. En ce début d'automne, la Provence présente à ses visiteurs un visage bien sombre. Depuis plusieurs jours, en effet, la météo est capricieuse sur toute la partie sud du pays. Le plafond est bas, la couche de nuages noirs est impressionnante, menaçante. Aucun doute, la pluie se rapproche, ce n'est qu'une question d'heure. À la radio, les bulletins d'alerte de Météo France se succèdent. Ils annoncent l'arrivée d'un front orageux d'une rare violence et de fortes précipitations. La veille déjà, des pluies diluviennes avaient frappé certaines communes du département de l'Hérault. Par endroits, on a recensé plus de 400 mm d'eau en l'espace de 24 heures, ce qui est un record. Dans le département du Vaucluse, le préfet met en alerte les services d'urgence. D'Orange à Pertuis, d'Avignon à Carpentras, les pompiers sont sur le qui-vive. On redoute des inondations dans les vallées. Alors, bottes aux pieds et combinaisons sur le dos, les hommes chargent leurs camions et préparent leur matériel. Il est un peu plus de 9h du matin, ce mardi 22 septembre 1992. À 50 km au nord d'Avignon, une famille de touristes hollandais circule en voiture sur la départementale 151. La route sinueuse mène à Vaison-la-Romaine, une commune de 5500 habitants, située au pied du Mont Ventoux. Alors que le véhicule avance à allure modérée, on distingue en contrebas, côté ville moderne, la rivière Louvèze, calme et silencieuse comme endormie. Voilà presque une semaine que cette famille de touristes venus des Pays-Bas réside dans le camping de Vaison. Celui-ci se trouve au bord de la rivière, à quelques centaines de mètres en amont du centre-ville. Son cadre, digne d'une carte postale, est le lieu de villégiature de centaines de voyageurs. Les pancartes annoncent le Mont Ventoux, Malocène et un peu plus au nord, Nyons, Condorcet, la Drôme provençale, bref, un pays de cocagne. Mais ce matin, avant son départ, le propriétaire du terrain avertit le chef de famille du risque d'orage pour la journée. Les Hollandais ont donc rangé leur linge et fermé leur camping-car. Désormais en route pour rejoindre Vaison, ils profitent du paysage. Assis à l'arrière, les enfants jouent et passent les mains par la fenêtre. Dehors, l'air est chaud, moite, le climat est lourd, mais surtout, il fait sombre, très sombre. Au volant, le père de famille allume ses phares et redouble de prudence. Quelques virages plus loin, le véhicule entre dans la ville. Sur place, l'éclairage public fonctionne toujours. La famille hollandaise se gare sur le parking, à côté du Pont Neuf. Appareil photo jetable à la main et sac sur le dos, parents et enfants partent donc visiter la ville et profiter des animations. Car en cette matinée du 22 septembre, à Vaison, c'est jour de marché, comme en témoigne cette habitante de la commune dans les colonnes du journal Le Figaro. Comme chaque mardi, marchands et acheteurs se rencontrent sur la grande place, au pied de la vieille ville. Venus de toute la région, de nombreux touristes, essentiellement des gens d'Europe du Nord, viennent flâner et déambuler. Ils en profitent aussi pour admirer le patrimoine exceptionnel de la ville. D'un côté, on trouve en effet des vestiges de l'époque gallo-romaine. De l'autre, il y a une série de monuments médiévaux. Enfin, au milieu, séparant la ville de part en part, tel un petit canyon, il y a notre rivière, l'Ouvèze. Celle-ci s'étend sur une centaine de kilomètres, depuis les massifs du Baronnie jusqu'au Rhône. Comme lien entre la ville basse moderne et la cité médiévale sur les hauteurs, il y a trois ponts. Le pont Neuf, reconstruit après la guerre, le pont Valentin, plus récent, et enfin le pont Romain, vieux de plusieurs siècles et véritable symbole de la ville. Vers 11h, alors que l'agitation bat son plein, le vent se lève, puis devient violent. Il balaie Vaison-la-Romaine. Certains étals du marché s'effondrent. Quelques instants plus tard, c'est la pluie qui s'invite et la grande place vide. Les habitants rentrent chez eux, les touristes s'abritent comme ils peuvent dans les cafés et les restaurants. Bon, tant pis pour le marché. Et au fil des minutes, des trombes d'eau s'abattent sur toute la ville. Au loin, on entend le bruit inquiétant du tonnerre. Ainsi, pendant près d'une heure, la pluie tombe sans interruption. À la fenêtre de l'école primaire Jules Ferry, située non loin de là, en bordure de la rivière, les enseignants assistent stupéfaits à la scène. Et surtout, ils constatent que le lit de la rivière, l'Ouvèze, d'ordinaire si calme, se transforme peu à peu en torrent agité. Témoin, lui aussi, le maire de Vaison, Claude Haut, se précipite pour relire les bulletins d'alerte. D'après la préfecture, le plus gros des précipitations devait tomber sur le versant sud du mont Ventoux. Or, Vaison-la-Romaine est située au nord de la montagne. Elle aurait donc dû être épargnée, au moins en partie. Inquiet, le maire appelle les pompiers. Les minutes passent, elles semblent durer des heures. Au sol, l'eau s'accumule. Elle ruisselle le long des caniveaux et plonge dans les égouts. Au bout de 50 minutes, l'orage cesse enfin. Les gens ressortent dans les rues, mais le ciel reste menaçant. Les nuages d'encre sont toujours là, immobiles. À la caserne, le commandant des pompiers appelle le camping municipal situé en amont du village. Il demande que le site soit évacué par précaution. À leur tour informé par le responsable du terrain, une grande majorité des campeurs ne prend pas conscience du danger. Non, pour ces touristes venus profiter de quelques jours de vacances, l'épisode orageux semble terminé. Alors, à quoi bon replier les tentes ou déplacer les caravanes ? Au contraire, certains d'entre eux ressortent leur table et se préparent à déjeuner au bord de la rivière. Alors que l'église sonne une heure de l'après-midi, un nouvel orage s'abat sur Vaison-la-Romaine et la pluie reprend de plus belle. Chez les habitants, c'est l'incompréhension. Beaucoup pensent qu'il s'agit là d'un épisode très court, une sorte de réplique. Mais non, plus les minutes passent, plus l'eau se déverse sur les toits, si bien que très vite, les gouttières et les égouts débordent. Et bientôt, un filet d'eau de 10 cm de hauteur stagne dans les rues de la cité antique. En contrebas, le niveau de l'Ouvèze grimpe encore. Son débit augmente, sa vitesse croît. Elle abandonne son allure tranquille et ressemble désormais à un torrent déchaîné. Sur les coups de 15h, une inquiétante rumeur se propage. L'eau serait en train de monter. Certaines maisons auraient déjà leur cave et leur rez-de-chaussée inondée. Inquiets, les habitants tentent de téléphoner à la mairie ou aux pompiers. Mais stupeur, les lignes téléphoniques sont coupées. Impossible de joindre le monde extérieur. Pris au piège dans sa maison, l'un des médecins du village, Claude de Ronzy, est l'une des premières victimes des inondations. C'est venu très très rapidement et en l'espace de quelques minutes, l'Ouvèze est montée de plusieurs mètres. L'été, l'Ouvèze se traverse à pied, presque à pied sec. Et là, on avait 13 à 15 mètres d'eau d'un coup. Quand j'ai vu la clôture se faire emporter, j'ai demandé à mon fils de monter dans les étages et de récupérer mon chien et puis de monter dans les étages. Moi, j'ai essayé de prendre deux affaires, ce qui a été rapidement impossible parce que les vitres ont explosé sous la pression de l'eau qui est arrivée très rapidement. Et bon, je me suis levé de là parce que la pièce était complètement inondée. Je suis monté jusqu'au plafond. Ça a ensuite fait exploser le plafond de mon cabinet médical, et le plancher de mon cabinet médical. Et puis, je suis monté dans les étages. Ensuite, j'ai amené ma fille en sécurité. Moi, je suis revenu sur les lieux pour voir si je pouvais aider certaines personnes. Et puis après, je suis monté à l'hôpital et j'ai vu d'en haut un petit peu tout ce qui se passait. À l'école Jules Ferry, dans l'urgence, on abandonne les salles de classe. Les enseignants se réfugient avec les enfants au premier étage du bâtiment. Quelques minutes plus tard, en bas, les portes cèdent. L'eau entre en une poignée de secondes. Cartables et livres se mettent à flotter à plus d'un mètre au-dessus du sol. Au camping de Vaison, en amont du village, là aussi c'est la panique. Une coulée de 50 cm d'eau recouvre le sol. Certains campeurs se retrouvent prisonniers dans leur caravane. D'autres se réfugient sur le toit des bâtiments collectifs ou dans les arbres. Louvèze, qui il y a quelques heures encore semblait comme endormi, enfile le costume d'un monstre hors de contrôle. Il est 16h. La plus grande confusion règne dans les rues de Vaison-la-Romaine. Alors que la pluie s'arrête, certains habitants tentent de sortir de chez eux, de traverser le pont romain. Et là, ils découvrent un spectacle inimaginable. La crue est devenue torrent, l'eau arrive au niveau du pont. Posté en hauteur, un caméraman amateur enregistre une scène d'apocalypse. Une vague gigantesque de plus de 17 mètres, composée d'eau et de boue, vient soudain frapper le pont romain. La puissance de l'eau est telle qu'elle emporte les fondations d'un hôtel situé au bord de la rivière, et en quelques instants, celui-ci s'effondre comme un château de cartes. Quelques dizaines de mètres plus loin en amont, des meubles, des débris de maison, des troncs d'arbres et même des voitures sont prisonniers dans les flots tumultueux de Louvèze. Un cauchemar pour cette habitante de Vaison, comme pour beaucoup d'autres. Sur l'eau, il flottait tout un tas de débris. Puis on a vu arriver ce qui semblait être une caravane. À l'intérieur se trouvaient des gens qui nous faisaient des signes désespérés derrière le hublot. Alors on s'est dit que c'était pas possible, qu'on était en train d'halluciner. Mais non, c'était bien vrai. Et comble de l'horreur, on pouvait rien faire pour eux. Quelques secondes plus tard, la caravane arrive contre le pont romain et elle s'y fracasse. Puis disparaît dans le bouillonnement de la rivière. Plus bas, en aval du village, dans le lotissement Théos construit sur les bords de Louvèze, cette fois, ce sont des maisons entières qui sont arrachées du sol, comme l'explique cet autre habitant. Il y avait de l'eau jusqu'au niveau des génoises de la maison. Et tout d'un coup, la maison s'est mise à bouger sur ses fondations, le toit a tremblé et toute la famille a été emportée dans les eaux. Et on a pu récupérer le petit garçon qui était à 300 mètres plus loin accroché sur un arbre. Mais le reste de la famille, on n'a pas de nouvelles. Caméra à l'épaule, notre cinéaste amateur continue de filmer minute après minute les scènes de déluge qui l'entourent. Et en particulier, celle de ce torrent de couleur marron qui déferle sur Vaison-la-Romaine et qui emporte tout sur son passage, entrant par effraction dans les caves des maisons et ressortant par les fenêtres tels des geysers. Quelques instants plus tard, le caméraman tente de se rapprocher pour filmer ce qu'il y a dans l'eau. Mais derrière lui, la rivière le prend à revers et il se retrouve pris au piège à son tour. Il a à peine le temps de retirer la cassette que l'eau lui arrache sa caméra des mains. Emporté par le courant, il réussit à s'accrocher aux arbres et à remonter sur la berge. Pour les spécialistes en hydrologie qui étudieront par la suite le phénomène, Louvèze possède à ce moment-là un débit 1000 fois supérieur à la normale. Pour vous donner un ordre d'idée, le volume d'eau qui traverse le pont romain est tel qu'on pourrait remplir le bassin d'une piscine olympique en seulement 2 secondes. Non loin de là, la caserne des pompiers, elle aussi, se retrouve inondée. Les secours s'organisent comme ils peuvent. Un pompier témoigne. Compte tenu de la violence du torrent d'eau, bon, il était impossible d'accéder aux gens. Soit il fallait lancer des cordages ou des commandes sans marée. Bon, c'est des conditions extrêmement difficiles et périlleuses. C'est un boulevard, hein, un torrent d'eau avec une vitesse inouïe. Il était quasiment impossible de faire quoi que ce soit, ni mettre une embarcation, ni se mettre à l'eau, même à marée. On aurait été emporté, quoi. On est obligé de grimper sur les toitures, les arbres, tout ce qu'ils ont pu. Ça a été en demi-heure, bon, on peut dire l'enfer. Hein. « Est toujours impossible de joindre l'extérieur. Les lignes téléphoniques sont toujours coupées. Vaison-la-Romaine, ville meurtrie, reste isolée. Ce sont des automobilistes coincés sur la départementale 977 qui vont réussir à donner l'alerte, en rebroussant chemin et en appelant les secours depuis une cabine téléphonique. Les secours, il leur faut plus d'une heure pour se frayer un chemin dans les embouteillages et tenter d'accéder au village. Au même moment, à la préfecture, c'est la confusion. Personne ne sait vraiment ce qui se passe sur place. Mais les premiers témoignages d'automobilistes font craindre le pire. Les autorités déclenchent alors le plan Orsec sur le département du Vaucluse. Plus de 600 pompiers et 185 véhicules partent en direction de Vaison-la-Romaine et de ses environs. Dans le ciel, l'armée de l'air et la sécurité civile envoient une dizaine d'hélicos de secours. En début de soirée, à bord de l'hélicoptère de la sécurité civile venu de Marseille, un groupe de sauveteurs arrive au-dessus de Vaison. Grâce au projecteur, ils découvrent un paysage dévasté et une scène de désolation. Sur des kilomètres carrés, Louvèze est sortie de son lit et elle a lessivé l'horizon, emportant manifestement des gens, écroulant, semble-t-il, des maisons. Il faut juste quelques minutes aux secouristes pour repérer un premier groupe de personnes accrochées dans les arbres, en bas. L'hélico se place alors en vol stationnaire à quelques dizaines de mètres au-dessus d'eux. Un secouriste descend à l'aide du treuil et découvre deux jeunes garçons tétanisés, agrippés aux branches. Ils sont en état d'hypothermie. On les remonte à bord de l'appareil. Alors qu'il manœuvre pour reprendre de l'altitude, le pilote aperçoit une barque à moteur au niveau du camping dévasté en amont du village. C'est la seule embarcation sur les eaux à des kilomètres à la ronde. À son bord, il y a deux hommes. On ne l'apprendra que bien plus tard, mais Thierry Lafont, un jeune pompier volontaire, et Jean-Pierre Noël, un fabricant de piscines, se sont lancés, au péril de leur vie, dans une course contre la montre pour porter secours aux blessés. Au total, ils vont arracher à la mort plus d'une trentaine de personnes égarées ou naufragées sur le toit de maison ou dans la nature. Il est maintenant 18h. Alors que dans le ciel, le balai des hélicos continue au-dessus de Vaison et dans les alentours, on installe un poste de commandement et de secours avancé dans le gymnase. Les blessés sont rapatriés et sont pris en charge par la Croix-Rouge et les services d'urgence. Au milieu de cette foule qui grandit, on découvre à la lueur d'une bougie les enfants de la famille hollandaise. Oui, cette même famille qui était partie le matin même visiter Vaison-la-Romaine. Eh bien ce soir, ils sont tous en vie. À quelques mètres de là, face aux journalistes, le père reconnaît qu'ils ont eu beaucoup de chance. Nous nous trouvions dans la caravane au camping au moment du second orage. Soudain, j'ai entendu un vacarme effroyable. J'ai crié à ma femme et à mon fils de foncer à la voiture. Nous sommes sortis en courant. Au loin, on voyait l'eau arriver. Sans réfléchir, j'ai sauté sur le siège conducteur, allumé le moteur et nous sommes partis en trombe. Une fois en haut, sur la route, j'ai découvert pétrifié ce qui se passait dans le rétroviseur. Derrière nous, des caravanes et des voitures étaient emportées par la rivière comme de vulgaires jouets. Ce soir, nous n'avons plus rien. Ni vêtements, ni papier, ni argent. Mais au moins, nous sommes vivants. Alors que le niveau de la rivière décroît enfin, Vaison-la-Romaine affiche ce soir-là un visage de deuil. Son maire, Claude O., transmet les messages qui lui parviennent pour aider les sinistrés à contacter leurs amis. Il rassure les familles qui s'inquiètent pour un proche. De leur côté, les gendarmes dressent un premier bilan sur les dégâts matériels. Ils sont considérables. Au total, une centaine de maisons et des commerces proches du pont romain sont partiellement détruits. Le camping municipal est dévasté. Toutes les constructions situées dans le lit majeur de Louvèze sont totalement sinistrées. Certaines ont même disparu. C'est le cas du lotissement Théos et de la zone artisanale rayée de la carte. Plusieurs vestiges gallo-romains du village sont eux aussi endommagés. Le site de la Villas, par exemple, est enfoui sous 3,50 m d'eau boueuse. Les sites médiévaux, comme la cathédrale Notre-Dame de Nazareth, ont également souffert de la boue et de l'orage. La culée du pont Valentin s'est déchaussée, le parapet du pont romain a été emporté et le pont neuf a perdu le revêtement de son tablier. Ce soir, aucun des trois ponts n'est praticable pour aller d'une rive à l'autre. Sur le plan humain, surtout, le bilan est terrible. Les secours ont déjà repêché une dizaine de corps et plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Alors, toute la nuit durant, les secouristes vont s'affairer à la lumière des lampes torches et des projecteurs à retrouver les victimes encore coincées chez elles ou emportées par les flots en aval de la rivière. Dieu, sadomaso, fait pour la pelle. Les gens là-haut, tu t'en rappelles. Et les enfants en tourbillon dans un palais de papillons. La vraie vie, la belle. Allez viens, qu'on s'y frotte. Ma colombe, ma cocotte. Des charmes allant des larmes. Vie, violence, ça va de pair. Les deux se balancent, paradis. Je suis bon, non, non, non, non, non, non de Dieu. France. Le journal Gérard Courchel. 13 morts dans le Vaucluse, dont 11 pour la seule ville de Vaison-la-Romaine, 3 en Ardèche, un nombre encore indéterminé de disparus, on parle d'au moins une trentaine. Des orages d'une violence tropicale ont transformé une rivière, l'Ouvèze, en torrent qui a tout emporté sur son passage. Le plan hors sec a été déclenché hier après-midi dans le Vaucluse, des centaines de sauveteurs sont sur place, les hélicoptères ont repris leur mission au lever du jour pour repérer les gens réfugiés sur les toits ou dans les arbres. Le ministre de l'Intérieur a immédiatement décidé de mettre en œuvre tous les moyens de l'État pour secourir les victimes. Paul Quillès se rendra sur place dans la journée. Il y a 4 ans, le 3 octobre 1988, c'est la ville de Nîmes qui était victime d'une catastrophe similaire. À l'époque, Nîmes avait bénéficié d'un vaste élan de solidarité nationale. Mercredi 23 septembre 1992, alors que le jour se lève sur la Provence, le village de Vaison-la-Romaine offre aux journalistes le visage d'une zone en état de siège. Toute la nuit, des sauveteurs armés de lampes torches ont arpenté les bords de l'Ouvèze afin de retrouver des rescapés. Dans le ciel, au-dessus de Vaison, résonne le bruit des hélicos. Les appareils font des rondes au-dessus de la rivière. Rien qu'hier, les équipes de sauvetage ont élitreillé plus de 100 personnes, toutes réfugiées sur des toits ou accrochées à des arbres. Pour assurer la sécurité et éviter les pillages, un important contingent de militaires patrouille aux entrées de la ville. Vaison n'est pas la seule commune sinistrée dans la région, non. À Aubignan, Bédary, Gigondas, Violès, Roex et dans plus d'une cinquantaine de communes du nord du Vaucluse, là aussi l'eau de la rivière a débordé et les gens ont été plongés dans l'obscurité, voire le chaos. Présent sur place, l'un des envoyés spéciaux de France Inter, Olivier Martoc, fait le point sur la situation. Des gens sont toujours sur les toits et dans les arbres. 101 personnes ont été élitreuillées en 3 heures hier à Vaison-la-Romaine et dans les villages d'alentour. Une opération délicate qui vient de recommencer à l'instant à Bédaride, à une trentaine de kilomètres. À Vaison même, des pumas sont en train de survoler les zones sinistrées. Des indications globales sur l'ampleur de la catastrophe devraient donc parvenir rapidement au secours. 500 pompiers et gendarmes, légionnaires également, fouillent depuis le lever du jour les rives de la Louvèze. 11 corps ont été retrouvés hier, parmi lesquels celui d'une fillette de 7 ans. Mais dans la nuit, vous l'avez dit tout à l'heure, une trentaine de familles ont signalé au poste de commandement de fortune, établi dans un gymnase, la disparition de proches. Le bilan pourrait donc s'alourdir encore dans les prochaines heures. Au même moment, au gymnase de Vaison-la-Romaine, solidaire, venu de toute la région, des centaines de personnes proposent leur aide et offrent leur toit aux familles sinistrées. Certains apportent des vivres, d'autres des couvertures ou des vêtements. L'élan de générosité est national et les dons affluent de toute la France. De son côté, pour pallier le manque d'eau potable, la Croix-Rouge installe une station de filtrage, un matériel exceptionnel réservé en temps normal aux zones de guerre. Pendant ce temps, installé sur un petit canot pneumatique, une équipe de journalistes de France 2 se faufile dans certaines rues encore inondées à Vaison. Comment s'est passée votre nuit ? Pas trop bien, pas trop bien. Oh, mais il y a plus d'eau là-bas, regarde, ils ont pied. Vous avez de l'eau dans la maison ? Ah, mais la maison, oui, elle a plein de carreaux. C'est monté vite ? C'est monté encore assez vite, oui. Plus de peur que de mal ? Oui, pour moi, oui. Il y en a qui doivent avoir plus de mal que... Le jour d'après, si une grande majorité des Vaisonnais tentent de panser leurs plaies, si d'autres commencent à nettoyer leurs maisons, certains habitants en revanche veulent comprendre les raisons d'un tel cataclysme. Sur ce point, les experts de Météo France apportent des premiers éléments de réponse. Dans les grandes lignes, le phénomène météo qui s'est abattu sur Vaison et sur une grande partie du sud de la France la veille est exceptionnel à plus d'un titre, au point que certains météorologues comparent sa violence à celle d'une tempête tropicale. Oh, l'explication scientifique tient en quelques lignes. C'est la chaleur accumulée ces dernières semaines sur les régions méridionales et sa confrontation à un courant d'air froid venu de la Méditerranée qui est à l'origine de l'orage, comme de tout orage d'ailleurs, c'est un conflit de masse d'air. Particularité toutefois, si les précipitations ont été aussi fortes à Vaison et sur les communes alentours, c'est en partie parce que le front nuageux s'est retrouvé bloqué sur la face nord du Ventoux. On est alors entré dans un phénomène redouté, dit d'orage stationnaire. Conséquence directe, la pluie est tombée au même endroit pendant plusieurs heures, avec une grande intensité, comme l'explique René Chaboux, à l'époque la voix de la météo sur France Inter. Les régions méditerranéennes ont été soumises à un véritable pilonnage orageux. Ces orages répétés ont commencé dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont déversé des quantités d'eau considérables sur tous les versants sud du Massif central. Dans l'Hérault, on a enregistré jusqu'à 457 litres d'eau par mètre carré, presque 50 cm. La Cévenne ardéchoise a reçu en moyenne 200 litres d'eau par mètre carré en 2 heures seulement. Ces quantités d'eau exceptionnelles se sont écoulées très vite. Le niveau des cours d'eau s'est élevé brutalement, le flot a tout dévasté sur son passage. Le phénomène est tout à fait comparable à celui des Oued sur les régions d'Afrique du Nord ou du Sahara. Dans les jours qui suivent, on découvre que des crues de ce type ont déjà eu lieu au XVIe siècle. D'après les archives d'époque, l'événement n'avait fait aucune victime. Tout simplement parce que personne n'habitait à ce moment-là dans la partie basse de la ville. Le phénomène météo n'explique donc pas tout. Et d'ailleurs, de nombreux experts pointent très vite du doigt l'urbanisation autour de la ville pour expliquer l'ampleur des inondations. Dans les colonnes du Figaro, l'ancien secrétaire d'État au risque naturel, Arantazieff, fustige l'attitude des élus locaux. Je le cite. Il est incompréhensible que les responsables de la mairie donnent un permis de construire sans se donner la peine de consulter les documents officiels qui, en France pourtant, recensent très bien toutes les zones de construction à risque. Toujours est-il que si les Vaisonnais cherchent à comprendre ce qui s'est passé, ils ne cherchent pas non plus à désigner des coupables. On a trop construit au bord de la rivière, on a trop déboisé, trop cherché à gagner du terrain. Cela, tout le monde le dit à Vaison-la-Romaine, tout le monde est d'accord. Mais il ne faut pas croire que l'heure est à la polémique. Deux fois, Louvèze était déjà sorti de son lit au cours de ses 50 dernières années, mais jamais avec une telle force. Ceux qui ont construit un lotissement au bord de l'eau, ceux qui ont fait un camping juste en amont du vieux pont romain qui forme un goulet d'étranglement, cela ne pouvait pas prévoir. Alors forcément, aujourd'hui, on se pose des questions, mais la majorité des habitants de Vaison ne cherchent pas de bouc émissaire, ils en veulent plutôt à la fatalité. Dans cette région touristique, comment aurait-on pu ne pas construire, aménager, déboiser ? Plus tard, peut-être, on cherchera à comprendre. Pour l'instant, il y a trop de travail, trop de gens à aider. Vaison-la-Romaine, Nicolas Poincaré, France Inter. Alors que les jours, puis les semaines passent et que la pression médiatique redescend, les habitants de Vaison tentent de reprendre leur vie. Certains choisissent de tourner la page et de prendre un nouveau départ, ailleurs. Pour les autres, il faut reconstruire et apprendre à oublier. Au total, plus de 320 maisons ont été touchées par la montée des eaux. Au niveau du département, ce sont 3000 bâtiments qui ont été endommagés par l'orage. Pour prévenir tout risque ultérieur d'inondation, on déclare inconstructibles les secteurs les plus exposés le long de la rivière Ouvèze. La mairie de Vaison rachète les terrains à leurs propriétaires. Le camping est ainsi reconstruit en hauteur. Le lotissement Théos, dont la quinzaine de maisons a été soufflée par le torrent d'eau, devient un jardin du souvenir. Seules quelques entreprises de la zone artisanale restent sur leur emplacement. Malgré tous ses efforts, 9 mois plus tard, au mois de juin 1993, Vaison-la-Romaine fait un retour fracassant dans l'actualité. Un pompier découvre en effet un corps enseveli sous la boue sur la commune de Rouexa. Il s'agit d'une des victimes des inondations. L'individu a semble-t-il été emporté par le courant sur plusieurs kilomètres. Et la nouvelle ravive un souvenir encore douloureux. De son côté, année après année, l'enquête des autorités stagne. Puis, très vite, s'enlise. Seule personne morale mise en cause dans toute cette affaire, où, rappelons-le, on compte une quarantaine de morts et plusieurs dizaines de disparus, un ancien préfet de Vaucluse. L'homme alors âgé de plus de 80 ans est celui qui avait autorisé la construction sur les zones à risque. Il ne sera pas inquiété. Aujourd'hui, plus de 25 ans après le drame, Vaison-la-Romaine a retrouvé son visage d'antan. L'eau et la boue ont laissé leur place aux fleurs et aux pavés. Les Vaisonnais accueillent de nouveau les visiteurs, avec le sourire. La lavande en juillet, le soleil 9 mois de l'année font le reste. Mais a-t-on tiré tous les enseignements du drame qui s'est déroulé en cette journée maudite du 22 septembre 1992 ? Rien n'est moins sûr, d'autant que les récents cataclysmes météorologiques et le réchauffement climatique semblent nous montrer que ces épisodes sont appelés à se renouveler et à être de plus en plus violents. Rain and tears are the same, but in the sun you've got to play the game. When you cry in winter time, you can pretend it's nothing but the rain. How many times I've seen tears coming from your blue eyes, rain and tears in the sun, but in your heart, you've got to play the game. Mm-hmm. of love, rain and tears in the sun, but in your heart you feel the rainbow waves, rain and tears both fashion. For in my heart there'll never be a sun, rain and tears are the same. For in the sun you've got to pay France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la catastrophe de Vaison-la-Romaine, les inondations meurtrières. Notre invité, Olivier Martoc. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Alors dans le studio de France Inter à Marseille, puisque vous êtes correspondant à Marseille et vous étiez l'un des envoyés spéciaux de France Inter à Vaison-la-Romaine. On a d'ailleurs entendu votre voix dans les archives de ce récit. Olivier, plus de 20... Comment ? Pardon ? Un peu stressé la voix, oui. Oui, oh, bah, je crois que les conditions de ce reportage ont été difficiles. D'ailleurs, plus de 25 ans après les faits, quelles sont les premières images qui vous reviennent, vous, en mémoire ? Bah écoutez, moi je croyais que ma mémoire avait zappé et en écoutant les témoignages et votre récit, bah, beaucoup de choses remontent. Et alors si on veut reprendre les premières images qui me reviennent, c'est évidemment, ce n'est pas l'horreur bizarrement, parce que quand je pars, on ne sait absolument pas ce qui se passe. Moi je pars pour des inondations et nous les journalistes, vous le savez, hein, vous avez été reporter Fabrice, quand on part sur des inondations, on a l'impression de faire des choses... un peu facile à couvrir parce que les gens nettoient, il y a la solidarité, l'entraide et puis même on a l'impression que les reportages que l'on va faire vont aider à débloquer des aides et que les Français vont s'intéresser à la question et vont venir nombreux en aide aux sinistrés. Et quand je pars donc, vous l'avez dit, hein, il n'y a plus de téléphone, c'est-à-dire que on est coupé, Vaison est coupé du monde, cette partie de la France est coupée du monde. Et quand on part, nous, on a dans nos voitures, on a les fameux radiocom 2000 qui sont des émetteurs, des espèces de gros téléphones sur batterie, voilà, et qui sont reliés par des relais. Ce sont des relais de téléphone, je crois, de téléphonie, mais un peu les mêmes que les HF pour nous, les ondes radio. Et donc, je ne sais strictement rien. C'est-à-dire que je m'apprête à vivre quelque chose de facile, voire peut-être d'amusant. Et évidemment, je vais découvrir tout à fait autre chose. Et vous êtes l'un des premiers journalistes à rejoindre la ville. Vaison n'est pas un village, hein, c'est une ville, une petite ville. Que découvrez-vous là ? Vous arrivez, encore une fois, on revient à ces premières images. Vous arrivez par le sud, vous arrivez par Malocène, Avignon, c'est ça j'imagine ? Voilà, c'est intéressant parce que moi, pourquoi j'arrive ? Parce que je passe, en fait je me trompe de route, je dois sortir normalement à Orange et puis je me trompe, et en fait je vais être le seul journaliste qui va monter parce que je me suis trompé, j'ai pas pris la route directe, et je vais tomber sur un convoi de pompiers qui descend de l'Ardèche, qui va m'encadrer avec ma voiture dans le convoi et qui va monter grâce à des cartes d'état-major à Vaison-la-Romaine dans la vieille ville. Et là quand on arrive, il fait déjà nuit. Et alors, ce qui est surréaliste, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a un grand calme qui règne, tout est silencieux. La ville est propre, bizarrement. Hein, Vaison-la-Romaine, la vieille ville, en haut, est propre. Elle a été lavée par la pluie. Il fait très chaud. Et ce sont les lotissements en bordure de l'Ouvèze, en aval et bien sûr le camping en amont, qui ont été emportés. Mais nous, quand on arrive à Vaison-la-Romaine, ben, on le sait pas. Et là, quand on arrive sur le stade de la ville, il est éclairé par des groupes électrogènes de l'armée. Il y a deux blocs opératoires mobiles qui ont été apportés par des hélicoptères. Ils sont posés sur la pelouse. Il y a des médecins, des infirmiers. Mais personne, absolument personne, a opéré. Et le gymnase accueille les touristes et les sinistrés. Quelques journalistes et photographes qui sont là. On a déjà posé quelques questions à des habitants. Mais jusque-là, les habitants de Vaison-la-Romaine, c'est ce que vous entendez dans les reportages, au début, ils savent pas vraiment ce qui s'est passé ailleurs. Et eux, bon, à Vaison, ils vous racontent les caves inondées. Il vous raconte l'eau qui est rentrée dans les maisons, mais pas vraiment de drame. Personne à l'époque n'a vu la fameuse vous savez, le camion là qui est passé avec la caravane qui a été emportée par le pont et qui a été détruite. Cette image qu'on a vue en boucle et qui était effectivement effrayante, cette caravane emportée par Louvèze et qui se fracasse sur le pont romain, c'est cela, hein? Voilà, absolument. Et ça, il y a très très... En tout cas, moi, à ce moment-là, personne ne m'en parle. Et donc, quand je monte, je sais qu'il y a... On parle de gens qui ont disparu, mais pas grand-chose d'autre. Et donc, je mets quelques reportages en boîte. Et puis, je vais me dormir 2-3 heures, parce que je sais qu'il va y avoir les matinales avec Gérard Courchel, comme vous, on l'a pu l'entendre tout à l'heure. Oui. Et là, il se passe quelque chose de terrifiant. On est dans le gymnase, il y a des pompiers qui dorment, il y a quelques journalistes. Et le gymnase est coupé par une grande bâche. Et... On n'a pas le droit de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la bâche, sauf que la bâche, vers 5 heures du matin, elle va tomber. Et de l'autre côté, il y a 10 corps qui sont posés sur des tables. Et là, c'est l'horreur. Moi, je ne m'y attendais absolument pas. Et vous allez comprendre dans le son, quand je dis la Louvèze en permanence, alors que c'est Louvèze. Louvèze, oui. Et quand vous voyez la voix, absolument. Mais dans le reportage de Gérard Courchel, je dis la Louvèze en permanence. Ouais. Il me reprend. Et moi, je n'ai même pas le réflexe de me contrôler. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que je suis alors réellement traumatisé. À ce moment-là, c'est un choc terrifiant, quoi. C'est-à-dire que je viens de prendre tout d'un coup conscience du drame. Et au fur et à mesure que le jour va se lever, on va découvrir des corps, on va découvrir des corps dans des arbres, on va découvrir des voitures dans les arbres, et là on va prendre conscience de ce qui s'est passé. Et que vous disent alors le matin, donc les habitants de Vaison sont hébétés, j'imagine, hein, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous souvenez de certaines paroles? Oui. Non, moi ce dont je me souviens, qui m'a vraiment marqué, c'est que, si vous voulez, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, l'énorme machine d'État, et notamment militaire, se met en place. Par exemple, on voit arriver les hélicoptères, les gros hélicoptères de la Légion, et qui remontent comme ça à Louvèze. C'est très impressionnant, on se croirait dans Apocalypse Now, ils remontent au ralenti, il y a des militaires avec des jumelles qui scrutent les arbres, qui scrutent tous les endroits possibles pour voir s'il y a encore des gens vivants. Évidemment, ils n'en retrouveront pas. Et puis à ce moment-là, bah, nous, on commence à descendre et on commence à avoir les témoignages des gens qui étaient dans ces maisons et ces lotissements qui étaient le long du cours de Louvèze, et là qui ont tout perdu, et où il y a eu tous les morts. Et là, évidemment, on comprend l'horreur, mais il y a de la boue, énormément de boue, et on ne voit pas concrètement de choses monstrueuses, si vous voulez. C'est un ensemble quand même, donc une vue d'ensemble. D'ailleurs, vous êtes monté à bord d'un hélico, vous avez eu cette vue d'ensemble et de désolation? Absolument. Alors après ça, c'est vers la mi-journée, à plusieurs, on peut monter dans un hélicoptère. On va survoler, et quand on survole notamment les abords de Louvèze, on se rend compte de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, on voit les maisons totalement englouties dans la boue. On voit des morceaux de toit dans les arbres. On voit des voitures qui sont soit de travers dans la boue, soit dans les arbres. On voit que tout a été dévasté. Et alors, quand on descend dans la plaine, un peu plus bas, on voit là, par contre, qu'il y a de l'eau encore qui stagne, qui est très haute. Mais les gens ne sont pas affolés. Il y a des barques, il n'y a plus de courant. Et vous voyez que les dégâts sont considérables. Mmh. Vous comprenez que les maisons sont détruites, que les habitants dedans, il va falloir tout reconstruire, tout refaire. Mais il n'y a plus de courant, l'eau est boueuse, et vous avez des gens qui amènent des secours à ceux qui sont restés dans leur maison, qui n'ont pas été emportés. Et le camping, dernier point précis, le camping entièrement dévasté, vous vous souvenez de ce qu'il en reste au moment où vous voyez ça? Eh ben alors là, moi, j'ai un petit problème sur le camping, parce que quand j'y retourne, alors j'y retourne, je crois, 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard, mon souvenir, c'est quelques caravanes emportées, effectivement, avec 2 ou 3 maisons dans les arbres, mais une partie du camping a été totalement protégée, n'a pas pris la vague. Mmh, mmh. Et donc, quand vous remontez à cet endroit-là, ben non, vous n'êtes pas plus choqué qu'ailleurs. C'est-à-dire que ça vous paraît... C'est ça qui est terrible avec les inondations, c'est que quand vous revenez 2 ou 3 jours après, eh ben, vous voyez les dégâts. Mais voilà, c'est pas... Il y a plus le torrent, Louvèze est redevenu un tout petit cours d'eau, oui. Et vous ne comprenez même pas comment ça a pu se produire. Bien sûr, et on comprend ce que vous dites. On comprend qu'on ne puisse pas comprendre ce qui a pu se produire, effectivement. Alors, j'imagine qu'au tout début, il n'y a pas de polémique hein, autour des zones inondables. Est-ce que on commence à parler de cette responsabilité-là 2 jours après, par exemple, lorsque vous y revenez? Il y a des discours comme ça où c'est pas du tout, où le temps est à la douleur et l'émotion et il n'y a rien qu'à cela. Oui, le temps n'est qu'à la douleur et à l'émotion. Vous l'avez dit d'ailleurs dans le reportage de Nicolas Poincaré, on voit que c'est pas encore le temps de la discussion et de la polémique. Ça va venir un peu plus tard. Ça va venir en fait quand les enterrements auront lieu. À ce moment-là, on va commencer à se poser la question pourquoi y avait-il un lotissement à cet endroit ? Pourquoi le pont romain a tenu et deux autres ponts qui avaient été construits beaucoup plus modernes en aval ont tous les deux disparu, en emportant d'ailleurs des gens qui étaient dessus. Et donc les questions vont se poser à ce moment-là. Et ouais. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on va demander au préfet, partout en France, de relever les zones inondables. Et on va commencer à lancer un vaste plan. Absolument, parce que ailleurs, d'autres catastrophes similaires ont eu lieu hein, depuis. Vaison se souvient de la tempête Xynthia, qui a ravagé une partie de la Vendée et de la Charente-Maritime en février 2010. Vous allez pouvoir souffler un petit peu, Olivier Bartok. Vous en souvenez, il y avait eu 47 morts avec Xynthia, dont 29 dans la seule petite commune de La Faulte-sur-Mer, qui avait été presque totalement inondée. Alors, mise en cause pour sa gestion au moment du drame et pour avoir octroyé des permis de construire en zone inondable, le maire de l'époque, René Maratti, avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Bonjour Annel Verzo. Bonjour. Vous êtes notre reporter et vous êtes allé il y a quelques jours précisément à La Faulte-sur-Mer. Oui, une petite presqu'île de 700 habitants aujourd'hui. Il y en avait 1000 à l'époque en 2010. Alors j'y étais avec cette question en tête. S'il y avait une nouvelle catastrophe aujourd'hui, que se passerait-il ? Les maisons seraient-elles à nouveau sous l'eau ? Et surtout, les morts seraient-ils évités ? La France n'avait pas connu une catastrophe naturelle aussi meurtrière depuis plus de 10 ans. Le bilan du passage de la tempête Xynthia est ce soir de 51 morts. 8 personnes sont toujours portées disparues. 28 février 2010. La Vendée est donc le département le plus violemment touché par cette tempête. Symbole de l'ampleur de cette catastrophe, 2 petits villages de Vendée, L'Aiguillon-sur-Mer et La Faulte-sur-Mer. Les pompiers, il y a quelqu'un ? Oh, il y en a, mon Dieu. On avait de l'eau jusqu'à là. On avait 2 petits enfants, 2 ans et puis 5 ans et demi. On a mis une échelle et on a passé chez le voisin. Et là, il y a les noms des victimes sur une plaque. N'oublions pas les victimes de la tempête Xynthia. Monsieur Bounasseur a perdu 2 de ses enfants, sa femme et sa mère. Sur les 29 victimes, j'en connaissais une quinzaine. Il y a un ex-beau-frère dans le lot, ouais. Entre autres. L'homme que vous venez d'entendre, c'est Renaud Pinois, un informaticien qui est président de la VIF, une association de défense des victimes des inondations de La Faulte-sur-Mer. Et en faisant le tour de la presqu'île, le long du Green, le golf qui a remplacé les maisons détruites, juste à côté du mémorial aux victimes de l'inondation, Annel, vous faites d'étranges découvertes. Le 28 février 2010, la submersion marine provoquée par la tempête Xynthia a fait 29 victimes sur la commune de La Faulte-sur-Mer. La hauteur d'eau dans les maisons les plus exposées a atteint, ce jour-là, 2,80 m. Et donc c'était des maisons sans étage. Bah oui, parce que les étages à l'époque étaient interdits. La mairie ne voulait pas d'étage pour des raisons esthétiques. Puis ça faisait de l'ombre pour les voisins, donc c'était pas... Alors que maintenant, c'est devenu obligatoire. Et alors ce qui est incroyable, c'est qu'il y a cette maison, juste à côté du mémorial, qui est une maison sans étage, donc qui n'est pas aux normes et qui se situe vraiment dans la zone noire. Après, c'est des maisons, pour la majorité, qui ne sont pas habitées à l'année. Celle-ci, elle l'est. Bah oui, là, on voit, il y a du monde. Hein, oui, y a du monde ouais. Mais en l'occurrence, là, oui, tout à fait, c'est une maison qui n'est pas encore aux normes. Elle doit être mise aux normes. Si on voit la maison qui est à côté, elle a été mise aux normes. C'est-à-dire qu'il y a un étage qui a été bâti, ce qu'on appelle un étage de sécurité. Mais celle-ci, il n'y en a pas. Voilà. Mais sans doute, ils n'étaient pas là en 2010. Non, c'est des personnes qui n'étaient pas présentes le jour de l'Exintia. Heureusement pour eux. Je sais qu'il y a des gens qui traînent un petit peu là-bas, parce que c'est évidemment coûteux. C'est de l'argent à dépenser. Et que quand on dit qu'il y a 15 ou 20 000 euros à mettre dans une maison pour faire un étage de survie, bah, y en a certains où ça pose problème financier, c'est sûr. Et quand on a ceux qui ont des maisons encore maintenant, qui soient dans des zones inondables, il y a des permis de construire qui ont été octroyés, c'est... Non, alors... Il y a eu 80% de la surface de la commune qui a été inondée. Donc si on avait dû enlever 2000 maisons, ça n'aurait pas été très bien. Financièrement et puis bon, éthiquement, c'était difficile. Donc après, il faut trouver un juste milieu. On estime actuellement qu'une maison n'est pas dangereuse s'il y a moins d'un mètre d'eau dans la maison. Voilà. Elle reste habitable et si elle est à plus de 50 mètres de la digue. Il ne dormira pas derrière les barreaux. René Maratti a vu ce matin sa peine réduite à 2 ans de prison avec sursis. Une condamnation pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, qui se voulait exemplaire. Je trouve ça déplorable. Ce sont les chiens de René Maratti, l'ancien maire. Ah ben il est là, non ? Ah oui, il est là. Il est dans son jardin, il rappelle ses chiens. Et on se trouve juste devant sa maison, très près du golf, hein, très proche de la zone noire. Mais qui n'est pas dans la zone noire. Alors, si, il est dans la zone noire. Ah bon, il est en zone noire. Ouais, ça fait partie en fait. Mais alors lui, il vit toujours ici. Hein. Ouais, c'est le sol qui reste maintenant. Il est exactement dans le passage de l'eau. C'est là où les études ont dit que l'eau elle devait s'écouler. Donc il faut absolument enlever cette maison-là pour que l'écoulement se fasse. C'est pour ça qu'il est exproprié. Non, bon, mais... il a une belle maison, René Maratier. Voilà. Hein. Puis c'est jamais rien. Pour lui, c'est rien passé à la faute. Encore maintenant. Il est capable actuellement, dans un conseil municipal, de donner des conseils de sécurité au nouveau maire. S'il est encore élu. Donc il a le toupet de pouvoir dire attention, hein, faut faire ceci, faut faire cela, parce que moi je le sais. Hein. Voilà. Bon, mais qu'en pense l'actuel maire de la Faulx-sur-Mer, Patrick Join? On va l'écouter. Pour quelles raisons les habitants qui avaient des maisons en zone inondable ont eu des permis de construire? Qu'est-ce qui s'est passé? La commune ou des promoteurs avaient lancé quelques lotissements, y compris dans des zones inondables. Ils déposaient des permis. À l'époque, je vous rappelle, il y avait un plan d'occupation des sols qui était très daté, qui n'était pas une grande référence. La question de la hauteur de référence du niveau de l'eau était assez oubliée. Bah donc tout le monde s'arrangeait avec un droit mou. Le maire, l'adjointe à l'urbanisme et puis du côté des préfets. Alors, et le tribunal des Sables, et la cour d'appel de Poitiers, et le juge administratif à Nantes disent très clairement les responsabilités de l'État et des anciens élus de la Faulx-sur-Mer. À présent, près de 8 ans après Xynthia, est-ce que vous, en tant que maire, vous avez des personnes qui font pression sur vous ou sur vos adjoints pour pouvoir s'installer dans des zones pas très recommandables? Nous rencontrons d'autres difficultés qui sont plutôt liées à l'incompréhension par la population du plan de prévention des risques littoraux que le préfet a mis en œuvre. Par exemple, des terrains non construits qui avaient une valeur de construction à l'époque, se sont trouvés aujourd'hui sans droit à construire. C'est le cas de beaucoup de familles à la Faulx-sur-Mer? Oui, il y a quelques centaines de terrains qui sont aujourd'hui dans ces situations d'impossibilité de jouissance. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Alors aujourd'hui, s'il y avait à nouveau un drame, d'après vous, comment ça se passerait? Le plan communal de sécurité qui organise la gestion de crise, il est opérationnel. Alerte téléphonique. On reçoit un SMS au cas où. Bien sûr. Donc dès qu'on est en alerte, on va dire orange. Et nous avons par ailleurs installé un réseau de voisinage. Ce sont environ 30 à 40 bénévoles qui ont vocation à nous aider en cas de crise, d'aller chercher personnellement les situations en situation de danger pour les accompagner. Donc tout ça nous permet d'imaginer que nous saurons faire face à une situation de crise. Olivier Martoc à Marseille, vous êtes toujours avec nous? Absolument. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que nous venons d'entendre? Alors, c'est vrai que les phénomènes climatiques qui ont frappé la Faulx-sur-Mer, puis la Vendée d'ailleurs, et Vaison-la-Romaine et les alentours ne sont pas de même nature, mais les conséquences sont aussi des inondations. Bref, qu'est-ce que ça vous inspire après cette réflexion sur les constructions et les zones inondables? Bah que nous, chez nous, déjà, il y a les épisodes méditerranéens hein, qui arrivent une fois en général par an, c'est plutôt en septembre-octobre. En 2002, il y a eu des inondations monstrueuses à Sommières, en 2010 à Draguignan, avec chaque fois 15 morts, 24 morts, et que c'est chaque fois la même chose, ce sont des petits cours d'eau que l'on a tendance à avoir oubliés, qui, sous les fortes pluies, tout d'un coup, débordent, prennent une vague monstrueuse de boue et emportent tout sur leur passage. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que ces petits cours d'eau, comme on les voit pas en temps normal, eh ben souvent, ce sont des zones inondables mais non décelées, et c'est là qu'il y a des drames. Et notamment chez vous, on parle, ça avait été le cas à Nîmes, je crois, d'épisode Cévenol, hein, au mois de septembre. Oui. C'est cela, hein? Oui, c'est ça, oui. Alors, vous savez que c'est un épisode qui est très intéressant parce que, en fait, l'air se refroidit, la mer est encore chaude, et alors il y a une grosse évaporation, ça forme des nuages, et c'est là où tout d'un coup le nuage va se décharger à un endroit précis. Et en général, ça tombe du côté de Nîmes, ou ça peut tomber sur les hauteurs du Var. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la période actuelle est une période qui ressemble à celle-là. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a eu la semaine dernière de très fortes précipitations. Et hier d'ailleurs encore, j'étais dans le Var hier, et il tombait des cordes. Mmh. Et c'était le même phénomène, sauf que ça se produit en janvier, au lieu de se produire en septembre-octobre. Je vous connais bien, Olivier Martoc, je sais que vous êtes à Marseille depuis longtemps, hein, donc vous connaissez parfaitement toute cette région PACA et au-delà, et vous avez remarqué, vous, alors ce qu'on pourrait appeler les premières conséquences visibles du changement climatique et des phénomènes météo dans le sud plus violents aujourd'hui qu'avant. Peut-être, hein, c'est vraiment une question. Écoute, hein. Oui. Allez-y. Bah, je vais pas dire ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que en ce moment il fait 22 degrés. Moi, j'ai pas jamais connu 22 degrés, je crois, à Marseille en janvier. Il est tombé énormément de neige en décembre. Là aussi, ça faisait très très longtemps que c'était pas arrivé. En général, ça tombe un peu plus tard parce qu'il fait trop froid. Et là, tout simplement, il y a eu de la pluie sur Marseille en décembre et donc de la neige dans les contreforts des Alpes. Oui. Et donc, ce sont des phénomènes que l'on n'avait pas l'habitude d'avoir ici. Et autre chose, il y a très très peu d'eau tout au long de l'année. Il n'a pas plu du mois d'avril quasiment au mois de novembre. Et on se prend des très fortes pluies depuis novembre, décembre, janvier. Mmh. Toute dernière question. On dispose de nouveaux outils aujourd'hui pour surveiller les perturbations climatiques. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait surveiller tous ces petits cours d'eau qui pouvaient devenir des torrents monstrueux. On a de nouveaux outils, non ? Oui, on a de très bons outils. Le seul problème, c'est que quand ces orages éclatent, vous pouvez savoir en gros sur quel département ils vont éclater. Ouais. Vous ne pouvez pas savoir exactement sur quelle zone. Et le problème, il est là. Bien. En tout cas, merci infiniment, Olivier Martoc, pour ces souvenirs que vous nous avez confiés, qui étaient très précis, de ces moments très particuliers que vous avez vécu, vous aussi, en tant que reporter à Vaison-la-Romaine. Olivier Martoc, de France Inter. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la catastrophe de Vaison-la-Romaine, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Raphaël Rousseau qui était à la technique aujourd'hui.